dans le sang. Donne-moi une chaise. J'ai pas besoin d'être debout pour que je les baise. Elle me dit t'es fou, tu veux me casser sans la bagarre. Marbella ou Braga, j'fais des vacances, j'remonte du taga. Ensemble, Paul and Charles, la fait tchouper dans la Bentayga. Pour 7005, j'fais les papiers à Haraga. J'attends rien de personne, j'fais mes bails. Des fois j'ai pleuré seul sous bouteille. Elle me fait la fille d'Insta sous Lidl. Elle se met fraîche dans sa chambre en poubelle. Elle me dit t'es fou, tu veux me casser sans la bagarre. Marbella ou Braga, j'fais des vacances, j'remonte du taga. Tu le verras pas qu'on souffre. Pas n'importe qui on s'ouvre. Dans le dur, dans le vrai, j'suis en plein dedans. Que des coups de à tout, je m'attends. J'm'aère, je erre, ya erre. Signé mon zer laser. J'apprends collé sur le ventre. J'apprends, je touche, me relève. Des tirs, des poteaux rentrants. J'me tire, ma petite m'attend. De toute façon j'm'en fous, moi j'crois que j'suis gris. J'tourne en race. Énervé le BM, j'l'ai plié. Sur ma vie, sinon j'vais vriller. Rien qui chante. Ils ont parlé quand j'avais nié. Moi où t'étais quand y'avait rien. Oui, Lunata. Y'avait rien dans la CB que j'm'étais des revers comme Nadal. En baroude avec le T, j'ai fini plus loin que Malaga. J'ai tout mis dans le CB. I know I'm not hip, I ride a Bentley, she give me top now. Can't even trip, what I hear tryna go, I'ma run here. I keep a blade like I'm Snipes, Wesley. You know where I come from, don't try me. You get popped like smoke or IP. Man, I can't even stay at this party. They won't play tous les mecs de ma ville. J'ai pris sur moi pour parler en anglais, but I can't help myself. Drop if you really tryna spend this bag. Hop in the jet with a brand new pet. Call all my niggas like Wesh Le Gang. He ain't gon' play tough when I stop his bands. They're tryna eat all my plate. I'm trying to fuck all my head. J'veux péter le champ comme pilote de la F1. Dans l'appart, t'as des tailles fortes de la F1. Dans le sac, y'a le prix du Audi S1. On fait les cartes, on veut le code et on décaisse 1. On est pas aux flammes, c'est la cité dans le 7R. On plaît aux femmes, c'est la cité dans le secteur. C'est la guerre, on a des trackers indétectables. On fait la paire, moi et mes couilles, c'est le spectacle. J'suis cramé comme état, chromé comme métal. Me harer les talons de bang, on est fait d'art. Entre en méconnaissable, faut que tu négocies. On veut remplir des salles, mes collègues aussi. Là, j'suis d'humeur monotone. Les Schmitt qui passent, Molotov. Que des couleurs, quelle époque, j'te crois. Coup d'épaule. Spliff au bec, j'suis sur la E-T-Z. 4 harbis dans un OG break. Dans la nuit, j'm'en fume mon sourd diesel. Avec j'fais des boulettes sur le jean diesel. J'roule à contresens pour finir dans le top 10. Amnésia hollandaise comme Robin. La qualité, t'inquiète, c'est de la top shelf. J'sors toutes mes couilles à la douane française. J'voulais pas m'salir, la ligne est déjà franchie. J'ressors blanchi, sourire t'as franchi. Cali 8, c'est les dans la saisie. Nique lors de 3 ce vide, j'avais déjà senti. Le clean m'appelle, j'le visère dans le quart d'heure. Qualité pas chère qui te laisse par terre. QN, la N, fumette dans l'artère. J'suis la 13 014e, pas dans le chargeur. En freestyle, le gym m'appelle, donc j'arrive au liqueur. J'me méfie que de ceux qui ont du sucre dans la bouche et du venin dans le cœur. Qu'est-ce que la vie de rêve? Voilà une question à méditer. Des mythos m'ont promis de l'aide. Au final, c'est Dieu qui m'a facilité. Ce mois-ci, ça rafalait combien de fois? Bienvenue à Marseille. Y'a des mecs qui te cloueront sur une croix si tu veux jouer l'immortel. Mais pas ton nez dans mes affaires. Tu veux nous faire, mais tu tiens pas la route. Je leur mets la patate à fait d'or. Quand on est fait d'or, sache qu'on ne craint pas la rouille. Yeah. J'ai des foutues pensées, elles sont ancestrales. Et souvent je me demande quand tout ça cessera. Le viseur est sur toi quand tu passes l'estrade. Comme l'envers du décor, il est assez crade. Riro, on a souffert jusqu'à l'insomnie. Quand tu vois que le visage devient démoniaque. Ils ont parlé trop vite, moi j'ai rien compris. Elle est bonne, on la parfume à l'ammonia. La vie, cette pute, elle a brisé des rêves. Moi j'étais qu'un gosse qui laissait tourner la roue. Tourner la roue, mais le monde est cruel. Quand mal et bien s'en mêle, il faut finir le round. Je connais sa mère, pas son itinéraire. Un désaccord et la mutinerie. Soldat de Marseille avec un œil de verre. Pour tout prendre, il te faudra plus qu'une vie. C'est 1-3 Marseille bébé. C'est inné, on fait TB. En CP, ça fait TP. Petit du CV, froid ta CB. Week-end Monte Carlo. Suite et cuistot privé. Mariage, Habbel Barot. Fils de pute, j'vais pas m'en priver. Et vas-y, vole le petit pélican. Amorti, Lucarne, Bellingham. J'fais mes comptes jusqu'à Alicante. Elles sont jalouses, mais on est polygame. En Liga, eux, ils sont relégables. Fais pas le rat si t'as la monnaie casque. Trop hier, c'est moi qui régale. Salon yacht en mode monégasque. Baisse pas les bras, redouble d'efforts. Dans les difficultés, on a vu les plus forts. Pas de hasard, pas d'ironie du sort. J'suis pas là, pris pour moi, voilà ce fort. J'suis dans le sud, j'perds pas le nord. Pendant j'coulais un bronze, j'ai rêvé de l'or. On est discret, vite de parler fort. N'oublie pas d'où tu viens, surtout dans le confort. Sors, couvert, c'est glacial dehors. J'suis dans le nord, on descend vers le port. J'refais tout, j'repense à tout. Chacun ses atouts, sur la route j'mets des à-coups. Tu croyais quoi? On est plusieurs dans ma tête. Mais te casser moi le chef, j'ai fait du bien. On peut aussi te faire du mal, me demande pas pour combien. On est nia, mais si toi te niquer ta mère, on le fera pas sur du take. Un petit pas, et tout le monde fait marche arrière. Un peu comme Saint-Augustin, j'm'en bats les couilles si t'as pas la ref. Le savoir est une arme que je brandis. On fait pas d'exception à la règle. Tant que la moula sonne, ben j'fais la diff. Calibré en bas du bâtiment, j'me suis retrouvé tout en haut du Sofitel affolant. J'ai fait et refait le tour de la ville. J'ai claqué des salaires dans des paires italiennes. Banal ici, on a tous bibi, gros soif. On serre les loups, ceux qui ont soif. Fin d'eau sur moi, faut pas que t'essayes. Mec du CV, quoi qu'il en soit. Et même vacances, je suis mis en soi. Ça reste à l'affût des poignets. Ça gratte la plaine jusqu'au panier. Gros, c'est le 1-3, quoi qu'il en soit. C'est toi des dodo, ne fais pas celui qui aime les calibres. On me dit pour toi, je l'ai fait dodo, mais tranquille. Prendre des années, c'est pas la peine. Merci le J pour l'assist. Toute la ville répond à l'appel. J'tournais partout pour la cime. Minimum de G pour la peine. Et laisse faire, on avait besoin d'espace et d'espèces, donc on a pris des risques. Pas moi, j'ai que les restes, la cité, je l'incarne. J'ai l'instinct pour les faire couper, le laisse-moi. Un instant, j'ai la vista de Modric. Iniesta, tu connais, je suis dans les jazz. Non, je suis pas là pour le buzz. Moi, je suis là que pour ma ville, mais je sens ton cœur palpiter. Viens, assis-toi, je colle. Manita, reste à ta place, je sais même pas. T'es qui toi? Faut que je la quitte, même si je l'aime trop. Tu le sais que pour ma cité, moi, je donne tout. Ça presse, la détente, shooter sur Bécane. On sait plus comment avant, ça tire dans le tas. Des minots chargés jusqu'au Dangante. La lumière viendra comme dans Billy. J'ai une vision de l'infini. Un 3-0, j'n'ai plus de limite. La lumière viendra comme dans Billit. Billit, Billit. Une lombe, j'mange sur un fil. Sorti Mzinga, ça défile. J'crois que t'as raison, j'suis dans le bail. Et dis cette année, on fera du sale. RSK, j'mets les flammes. Pour tous ces mzés qui veulent du mal. J'les shooterai tout, tout, tout. C'est par un, j'leur ferai du sale. One fire, j'suis comme Jordan. J'suis dans les airs, que je fly. Gambino les hommes, WW va niquer tes morts.com. Ce soir elle s'est fait coquette, elle consomme ses morts, j'ai niqué un verre pomme. Oh, single de Jaja, tu guettes ça, ma baby, j'aime pas les putas. C'est le 1-3, ça touche l'RSA, ça roule en RS3. Ça fait tourner le forêt, ça pâte à la spip. Cagoulé comme hit, j'prends les gammes à coups de cric. Y'a des bons et des putas et des bandeurs de hit. La vie ça va vite, masque en vase Covid. Le job aura des capsules, il fait tourner le shit. J'suis au stade, pop, pop, pop, pop. Le virage m'a appelé, pop, pop, pop, pop, pop. On fait trembler tout le vel. J'aurais allumé un pet avec si j'avais porté la flamme comme Joule. J'crois que Malich on va faire avec si Talze m'aime pas de bezoul. Faut l'assassin ma chef Khaled, ennemi public Saddam Ben Laden. On s'en bat avec des strass, des paillettes. Et si ça flop j'décharge des palettes. Quiconque fait le King Kong et les balles du AK font du ping pong. Quiconque te jette pas, j'mets des petits ponts. Sors le cocktail et le chiffon. Si tu veux là, c'est la haya, ce qu'il faut. Des blancs, des noirs et des bicots. D'or et de plata sur le tifo, chico. Pas d'estimeur, ils se vendent pour briller. J'suis au rendez-vous même si j'suis trop grillé. En palestineur, ouvrant mes prières. Gardez la foi surtout. Pas plié, pas plié. Viens voir comment on est doué. Doué, doué. Le loup débarque à les courrer. Couré, couré. Tu fais le fou, on va te retrouver. Doué, doué. Viens voir comment on est chaud. Viens voir comment on est capable. Je débarque même dans ton ghetto. Je déverse ma haine, ça fait papa. Marseille, j'étais à côte, riche corniche, Clio 3 réserve, ça se cala corbiche. Que des 30 la bûche, cagoule dans la biche, soleil plein capuche, c'est la rue ma biche. Toi, tu parles des gens, tu m'intéresses pas. Tu parles d'oseille, t'es au RSA. Très organisé comme le MS, stress, ça te fait faire au part, ça met le GS. Cœur cassé comme Bambi, fais bisous à ton bail, chérie, j't'en prie. J'suis comme ceux qui m'écoutent, on s'est compris. Hey, hey. Cœur cassé comme Bambi, je viens gazé et tant pis. Hey, hey. J'suis gazé et tant pis. J'suis comme ceux qui m'écoutent, on s'est compris. Y'a pas de bouchée d'A ou de Ambly. Y'a pas de bouchée d'A ou de Ambly. Oh, Amo. C'est la scampia, pose ton cul à terre. Oh, Amo. J'suis de Montsiri à la vie, on compte plus les décès ni les perquises. Ici tout est biaisé, c'est hyper triste. Les mères ont les bras baissés et les pères pris. Car ça rêve de Féfé et de Berlin. Trop de blessés, beaucoup de guerres, crimes. La ville est agressée, réputernie. M'empêche pas de rêver, tout est permis. Je veux la LDC sous des herbies. Du feu dans mes poèmes, moi je n'ai plus le temps. Jamais trop tard pour frapper. Supporter de l'OM noir et musulman. J'suis le cauchemar de Galtier.